إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a commencé du nouveau cours qu'on va faire? Donc c'est le premier le livre sur Al-Wala wal-Bara, et aujourd'hui c'est le cours numéro 2 de l'explication de ce livre, Haqiqatul Wala wal-Bara fil Kitab wa Sunnah. Et le premier point qu'on va expliquer maintenant, on va expliquer dans le livre les introductions que le cheikh a mentionnées par rapport à ce sujet. Il y a 4 introductions, comme j'ai mentionné au dernier cours, 4 points d'introduction. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut arriver aujourd'hui dans ces 4 points-là. Et puis par la suite, on continuera avec le point central, l'introduction du livre lui-même sur le sujet de Al-Wala wal-Bara. Mais même les introductions sont à ce sujet-là, donc ça a un lien, c'est juste une introduction pour nous aider à comprendre le sujet avant de rentrer dedans. Donc, Al-Muqaddima Al-Ula, Khuturatu Bab Al-Wala Wal-Bara. Donc, la première introduction, c'est le danger de cette question de Al-Wala Wal-Bara. Le fait que c'est une question qui est dangereuse. C'est un sujet délicat, si on veut. Et donc, c'est très important de le comprendre correctement selon la compréhension de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Parce que si on ne le comprend pas correctement selon la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'a et des Salaf al-Salih, on risque de tomber dans les extrémismes et dans les égarements. Comme on a mentionné au dernier cours, l'extrémisme des Khawarij qui font le takfir de n'importe qui sans avoir de preuves et sans avoir de règles, et l'extrémisme également des gens de bid'a parmi les soufis et les murji'a qui n'acceptent al-bara de personne et qui demandent aux musulmans d'établir al-wala de tout le monde. Donc le cheikh il commence en disant inna aqidat al-wala wal-bara min akhtari abwab al-mu'taqad li'annaha ahad abwab al-takfir allati ولج منها الخوارج قديما ومن سار على طريقتهم ممن جاء بعدهم لتكفير المجتمعات وتدمير الممتلكات بشبه واهية كعش العنكبوت. وقد قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين الذي هو من أكثر من جالس الشباب وصبر لهم صبرا قلما صبره أحد وهو يتكلم عن الموالاة والمعاداة ودخول خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار في صلح الحديبية لأنهم أهل نصح. الباب المفتوح في فتاوى الباب المفتوح السؤال 1507 قال وهذه المسألة من أدق المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالة لهم وليس كذلك. Donc le chef commence par le fait de dire que la aqida de al-wala al-bara c'est une des questions qui est parmi les plus dangereuses de la aqida, une des questions de la aqida qui est les plus hein, dangereuses et les plus sensibles. Parce que c'est une des questions qui est reliée au takfir dans lequel sont rentrés les khawarij dans le passé, et également ceux parmi les khawarij de notre époque qui sont venus après, c'est-à-dire qui ont suivi les khawarij sur leur voie et sur leur méthodologie, et qui ont commencé à faire le takfir des sociétés musulmanes et à appeler à la destruction et à des attentats terroristes et à détruire les immeubles et les biens et les choses que les gens possèdent et les choses de ce genre, et à tuer des innocents en se basant sur des ambiguïtés et des semblants de preuves faibles comparables à la toile de l'araignée, tellement elles sont faibles. Et notre cheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, un des savants qui a été parmi ceux qui se sont assis le plus souvent avec les jeunes qui ont eu ce genre de choubouhat justement, et qui a enduré ce que peu de gens ont été capables d'endurer, comme justement par rapport à ces jeunes-là, mais il a été patient et il a parlé donc du sujet de al-mu'ala, al-mu'ada, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et il a mentionné l'exemple de Khuza'a, la tribu de Khuza'a, qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était des kuffars et qui sont rentrés dans l'entente de paix de Al-Hudaybiyah avec les musulmans, malgré que ce sont des kuffars, parce que c'était des gens qui étaient honnêtes, qui étaient fiables. Et il en parle dans Al-Bab al-Maftouh, volume 3, page 366, la question 1507. Et il dit dans la réponse qu'il a donnée, c'est une question qui fait partie des questions les plus subtiles et les plus dangereuses, et en particulier chez les jeunes, parce que certains des jeunes, ils pensent que toute chose qui est reliée à des relations avec les koufars, ils pensent que ça fait partie de s'allier avec eux et de les aimer, ou des choses de ce genre. Alors que ce n'est pas le cas. Intaha kalamuhu, rahimahullah. Et ça, c'est la question, même ici à Montréal et même ailleurs, il y a des jeunes, et il y a même parmi ceux qui se prétendent être des prêcheurs, même ici à Montréal et ailleurs, qui font le takfir justement en se basant sur ces questions-là. Et qui font le takfir des dirigeants, le takfir des ulama, et le takfir des sociétés musulmanes, et qui insultent les dirigeants, et qui rentrent dans les manifestations, et qui supportent les révoltes et les manifestations, et qui supportent toutes ces choses-là, au nom de l'islam. Alors que tout ça, c'est contraire au Coran et à la Sunna, et à la voix des salaf al-salih, et on va donc rentrer dans les détails de ça, mais on voit ici dans la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, qu'il mentionne à quel point ce sujet-là peut être subtil et très dangereux, surtout pour des jeunes qui n'ont pas d'ilm, qui n'ont pas de base, et qui prennent les choses de façon générale, sans comprendre les principes et les règles. Cheikh il dit ensuite وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِنَفْسِي عَيَانًا فِي هَؤُلَاءِ الشَّبَابَ الَّذِينَ دَخَلَ عَلَيْهِمُ الْفِكْرَ الْمُنْحَرِفِ من جهة عدم فهمهم لحقيقة الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة، بل صرح أكثرهم إن لم أقل كلهم أنهم لم يكونوا على علم بكثير مما سمعوه من أحكام الولاء والبراء، وأن موالاة الكفار أقسام، لكل منهم حكم يختلف عن غيره، ولننقل هنا نصوصا لعلماء في أزمان مختلفة توضح خطورة الانحراف في فهم هذا الباب والتهاون في علاجه في تاريخ المسلمين، لأن الأمر فيه لا يقف على تكفير ولاة الأمر، بل قد يصل بهم إلى تكفير أهل العلم والمجتمعات. شيخ الذي جيبو ça de mes propres yeux moi-même chez plusieurs d'entre ces jeunes là qui sont chez qui est rentrée cette idéologie déviée, du point de vue du fait qu'ils n'avaient pas compris la réalité de ce que signifie al-wala ou al-bara selon Ahl-Sunnati wal-Jama'a, et même que plusieurs d'entre eux, Et si, il dit plusieurs d'entre eux, si ce n'est pas tous, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de connaissance de beaucoup de ce qu'ils avaient entendu au sujet des règles de Al-Wala Al-Bara. Ils n'avaient pas de connaissance à propos des règles qui ont rapport avec Al-Wala Al-Bara. Et ils ne savaient pas que les questions qui ont rapport avec le fait d'aimer les koufars ou de s'allier avec eux avaient des catégories, c'était divisé en catégories. Et que ces catégories-là avaient des verdicts différents selon la catégorie. Et donc, ils ne savaient pas les détails au sujet de ces questions-là. Ils prenaient tout ça comme dans un seul bloc. Comme c'est le cas de beaucoup d'ignorants à notre époque, qui ignorent ces choses-là. Qui ignorent, par exemple, que parmi les kuffars, il y a des mu'ahadoun, il y a des musta'manoun, il y a des ahlu zimma, il y a des différentes catégories de kuffars, il y a des harbiyoun. Donc, eux, ils mettent tous les kuffars dans la même catégorie, c'est-à-dire ils les mettent tous parmi les harbiyoun. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si un musulman, si quelqu'un, man qatala mu'ahadan, lam yarih ra'ihat al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue une personne qui a une entente de paix avec les musulmans, alors il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ça, c'est pour faire comprendre que la personne qui a une entente, c'est-à-dire la personne parmi les kuffars qui fait partie d'une nation dont la nation, cette nation-là a une entente de paix, leur dirigeant a une entente de paix avec les pays musulmans ou certains pays musulmans, alors celui qui le tue, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il a commis un grand crime. Et on a parlé, au dernier cours, de certaines règles à ce sujet-là, ou bien dans différents cours qu'on a donnés, on a parlé de ça. Puis, également, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est comme par exemple, qu'est-ce qui est arrivé durant la semaine, l'attentat qui a été fait contre l'ambassadeur américain en Libye. Ça rentre dans les catégories de ça. Ça rentre dans qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est un grand crime. Puisque non seulement c'est un kafir qui fait partie des kuffars qui a une entente de paix avec les musulmans, parce que les États-Unis ils ont une entente de paix avec les pays musulmans, mais non seulement ça, il fait partie des ambassadeurs, il fait partie du corps diplomatique envoyé dans les pays musulmans qui représentent leur État. Et ça c'est encore plus grave, c'est comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer les gens qui viennent en messager d'une autre nation ou pour un autre roi, ou bien qui viennent en tant que délégation officielle, ou bien des choses de ce genre. Et c'est des gens qui sont sous notre sécurité et notre responsabilité jusqu'à ce qu'ils retournent chez eux. Donc d'atteindre à leur vie de cette façon-là, c'est haram. Et c'est un grand crime. Mais les gens ne connaissent pas les règles et ne comprennent pas les règles. Ils pensent donc que c'est quelque chose de simple comme ça. Donc il y a, c'est vrai, dans les règles, on va y revenir à ce sujet-là, on va en parler de tout ça. On va expliquer, comme par exemple, qu'est-ce qui a rapport avec Al-Wala Al-Bara de façon détaillée, tout ça, on va y revenir. Mais c'est juste pour donner un petit exemple ici, pour nous faire comprendre le danger de ce qui arrive lorsqu'on ne comprend pas ces règles-là. Le Cheikh il dit, « Wa inna muwalat al-kuffar » وأن موالات الكفار أقسام. Il y a des catégories dans la question de al-muwalat. Et chacune de ces catégories-là a un verdict différent. Et on va ici mentionner des paroles des savants de différentes époques pour clarifier le danger de la déviation dans la compréhension de al-wala wal-bara et le danger également de faire preuve de négligence aussi dans la façon de remédier à ces déviations dans la compréhension à travers l'histoire des musulmans. Et Il dit Inna al-amr fihi la yaqif ala. Donc, la question, ça ne s'arrête pas seulement au takfir du dirigeant. Parce que de faire le takfir du dirigeant, c'est juste le début. Pour les Khawarij, c'est le début. Hein? Après vient également par la suite le fait de faire le takfir des hommes de science parmi les ulama. Puis en découle par la suite le fait de faire le takfir des sociétés, des individus, de toute la société au complet. Hein? Et c'est ça le danger. C'est ça le danger de la mentalité, de l'idéologie des Khawarij et de la façon comment ils propagent leurs idéologies et leur da'wah. Hein? Donc, qu'est-ce que vous avez entendu par rapport à qu'est-ce qui s'est passé en Libye durant la semaine? Tout ça, c'est des exemples qui rentrent dans ces questions-là aussi. C'est un lien. Et ces attentats-là, c'est des attentats contre l'islam en réalité. Ceux qui font ça au nom de l'islam sont en réalité en train de nuire à l'islam. Et c'est des choses dont tous les musulmans qui suivent le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs salih et tous les salafis et tous les ulama salafis de la terre se désavouent de ce genre d'attentat. Hein? Et même si c'est fait à cause d'un film, des gens qui ont fait un film pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Cheikh Al-Fawzan il l'a expliqué, il a dit les koufars, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à détester l'islam. Et c'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'ils détestent, et c'est pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement dont ils se moquent, mais ils se moquent de tous les messagers d'Allah. Hein? Et je me souviens même quand j'étais jeune, avant même d'être musulman, hein, que les chrétiens avaient fait des films pour se moquer de Isa alayhi salam, hein, et pour se moquer de Moussa alayhi salam. Et dernièrement, justement, ils ont fait différents films, les kuffars, ils ont fait différents films pour se moquer de plusieurs prophètes, pour se moquer du prophète Nuh alayhi salam, pour se moquer de d'autres grands prophètes également. Pourtant, hein? Est-ce que les gens ont réagi? Est-ce que les gens ont fait du bruit? Non. Donc, en réalité, on devrait être conscient du fait que de se moquer d'un prophète parmi les prophètes, que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou un autre prophète, c'est un acte de kufr. C'est un acte de kufr. Et c'est une grande atteinte contre la foi de l'islam et des musulmans. Celui qui se moque de Isa, celui qui se moque de Moussa alayhi salam, celui qui se moque d'Ibrahim, celui qui se moque de Nuh alayhi salam et de tous les prophètes, ça représente une attaque contre la religion de l'islam, parce que ces prophètes là faisaient tous partie des prophètes de l'islam et des messagers qu'Allah a envoyés avec le message de l'islam qui est le tawhid, qui est l'unicité d'Allah et la foi en l'adoration du Dieu unique. Hein? Donc tous les musulmans doivent être conscients de ça. Et que le fait que ces koufars se moquent des prophètes, hein, c'est pas quelque chose de récent, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran, hein, que les koufars avaient l'habitude de se moquer, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient l'habitude de se moquer de lui, et même d'essayer jusqu'à aller jusqu'à le tuer. Et combien d'exemples Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran que le Banu Israël, hein, les fils d'Israël, combien de prophètes ils ont tués, hein? Donc c'est pour nous donner l'exemple et pour nous faire comprendre que ces gens-là, ils ont toujours détesté les prophètes parce qu'ils détestent le message que les prophètes portent, hein, et ils détestent les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées et ils refusent de les suivre en toute arrogance. Et donc ils cherchent à se moquer des messagers et des prophètes. Et on n'a pas le droit de réagir à ça de n'importe quelle manière, de faire des attentats, de faire des manifestations, de faire du bruit, de détruire, de casser ou de faire des problèmes de cette façon. C'est pas la méthode et c'est pas la manière pour résoudre ces problèmes-là et ces questions-là. Hein? Donc ça c'est juste pour clarifier ça, parce qu'il y en a qui appellent à des démonstrations ou des manifestations, hein, et ça c'est bien entendu c'est contraire à notre voie et notre manhaj, hein. Donc ensuite le cheikh il dit par la cheikh al-islam ibn Taymiyyah fi siyasati shar'iyya وذكر مشروعة بذل ولاة الأمور الأموال لمن يرجى نفعه أو دفع ضرره من الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين المؤلفة قلوبهم كافرهم ومسلمهم، وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويسرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وسبيانهم، وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دينا ولا آخرة. Donc le cheikh il explique que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a expliqué dans Al-Sharia Siyasat al-Shar'iyya le volume 1 à la page 218, il a mentionné qu'il est permis, il est légiféré que le dirigeant donne de l'argent à celui dont il espère du bien et dont il espère un bienfait quelconque ou à celui dont il souhaite repousser un mal quelconque parmi les kuffars. Donc il est permis pour le dirigeant de donner de l'argent à celui d'entre les kuffars dont il espère un bien ou à celui d'entre les kuffars dont il souhaite repousser un mal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Hunayn, il a donné à ceux qu'on appelle al-mu'allafati qulubuhum, parmi les kuffars et les musulmans. Al-mu'allafati qulubuhum, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ceux dont on sent que le cœur est proche de l'islam, donc on veut les rapprocher de l'islam, on veut raffermir leur foi. Donc on leur donne de ces biens-là pour les encourager et pour les aider. Et donc, le cheikh il dit, cheikh l'islam, et ce genre de don, cette sorte de don, même si en apparence ça donne l'impression que c'est le fait de donner aux gens importants et d'abandonner ou de délaisser les faibles comme le font les rois, il dit sauf que les actions sont jugées selon leur intention, et que si l'intention en donnant aux forts et en laissant les faibles c'est pour le bienfait de la religion et des gens de la religion, alors dans ce cas-là, ça rentre dans la catégorie des dons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que ses successeurs ont fait. Parce que c'était dans ce sens-là qu'il le faisait, de ramener un bienfait pour l'islam et pour les musulmans. Mais si c'est fait avec l'intention ou dans le but de chercher à s'élever sur la terre et de faire le désordre, alors là, ça rentre dans la catégorie de dons que Pharaon faisait pour créer le désordre et pour s'élever sur la terre. Donc, si c'est la catégorie de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il donnait des dons kuffars ou aux gens qui venaient de se convertir parmi les gens importants pour les encourager et pour les rapprocher, et qu'il faisait ça dans le but d'amener un bienfait pour les musulmans et de repousser un mal, alors il dit que ça, il n'y a personne qui va le condamner, excepté ceux qui font partie de ceux qui ont une religion qui est corrompue, comme par exemple Dhul-Huwaysira, c'est celui, le munafiq qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit: ô Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Il lui a dit: crains Allah, sois juste, tu n'as pas été juste, quand il a distribué le butin, parce qu'il a donné aux gens qui sont nouvellement convertis ou bien aux grands, aux gens importants, pour les rapprocher et pour repousser un mal. et il a laissé les faibles. Hein? Donc, Zulkhwaisira, il juge par son ignorance, hein, et par sa faiblesse d'esprit, et il vient et il critique le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon-là, sans connaissance. Et donc, il a dit cette parole, hein, et la même chose avec son parti, ceux qui les ont suivis parmi les Khawarij. Ils ont condamné Ali, Amir al-Mu'minin, radiallahu anhu, d'avoir cherché qu'est-ce qui va ramener un bien pour les musulmans en prenant des juges, hein, ou en désignant quelqu'un pour juger dans la fitna qui se produisait pour essayer de faire la réconciliation. Et ils l'ont blâmé également d'avoir effacé son nom, hein, ou bien d'avoir effacé le titre qu'il avait comme Amir al-Mu'minin. Hein, pourquoi il a enlevé son titre de Amir al-Mu'minin, hein, ils l'ont blâmé pour ça. Ils lui ont dit, s'il n'est pas Amir al-Mu'minin, il est Amir al-Kafirin. Hein. Et Abdullah ibn Abbas, quand il a débattu avec eux justement à ce sujet-là, il leur a dit, n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait As-Sulh al-Hudaybiyah, et qu'il a écrit Muhammad Rasulullah, hein, les mouchriquins ont refusé qu'il écrive ça, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effacé, hein, Muhammad, il a effacé Muhammad Rasulullah, il a écrit Muhammad ibn Abdullah. Il a dit, de toute façon, ça ne nuit en rien que je ne l'écrive pas, parce que Allah sait que je suis son messager. Hein? Donc si le fait d'effacer ce titre-là, ça faisait en sorte qu'il n'était plus Amir al-Mu'minin, ou qu'il était devenu Amir al-Kafirin, alors que dire de l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas-là? Donc ça, c'est la preuve de leur ignorance. Connaissent pas l'islam. Et ils font pas partie des sahabas. Les khawarij, ils faisaient pas partie des sahabas. C'était dit, hein, des ignorants. Et malgré tout, ils cherchent à comprendre l'islam et ils pensent qu'ils comprennent mieux l'islam que les sahabas. Et ils pensent qu'ils connaissent mieux l'islam que les sahabas. Parce qu'ils se basent juste sur qu'est-ce qu'ils lisent dans le Coran sans avoir la compréhension qui vient avec, hein. Et donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, ils récitent le Coran sans que ça dépasse leur gorge, et ils sortent de l'islam comme la flèche, hein, a sorti de son arc. Et ils ont même cherché à dire à Ali, hein, parmi les exemples qu'ils ont donnés contre lui, c'est qu'il a abandonné ou il n'a pas pris des femmes esclaves parmi les femmes musulmanes et parmi les enfants musulmans, il n'avait pas pris d'esclaves parmi eux. Il les a laissés. Hein, il les a laissés. Donc, eux, ils ont dit, pourquoi il n'a pas pris d'esclaves? Soit que c'est des musulmans, soit que c'est des kuffars. S'il les combat alors que ce sont des musulmans, alors dans ce cas-là, il est kafir. En tout cas, plein de choubouhats qu'ils avaient, ils étaient mélangés dans ces questions-là. Et Abdullah ibn Abbas leur a clarifié les questions, les a, hein, réfutés sur ces points-là. Et Ali radiallahu anhu a ordonné de les combattre par la suite quand ils ont commencé à tuer des musulmans. Eh bien, il a ordonné de les combattre. Parce que ce sont des gens qui ont une religion qui est corrompue. Hein? Et avec cette corruption qu'ils ont dans leur religion, eh bien, ils ne peuvent rien faire de bon. Ni dans des choses de la dunya, ni dans l'au-delà. Parce que tout ce qu'ils font va être corrompu à cause de la corruption de leur religion. Et c'est ça ce qu'on voit de la part des Khawarij d'aujourd'hui aussi. Leur compréhension de l'islam a été corrompue par plein d'idéologies, par plein de penseurs islamistes qui sont déviés, comme c'est Qutb et d'autres également parmi cette catégorie-là. Et donc, à cause de ça, ils ont une religion qui est corrompue et qui les amène à faire tout ce qui est contraire à l'islam au nom de l'islam. Et donc, c'est l'exemple pourquoi Ali radiallahu anhu les a combattus et tous les khulafa qui sont venus après, qui ont eu affaire à ces gens-là, les ont combattus jusqu'à notre époque. Ensuite, il y a une autre citation, c'est la fin de la citation. Il y a une autre citation qui est mentionnée et c'est la citation de Cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit قال رحمه الله لما ابتلي علماء الدعوة السلفية في وقته بأقوام يتكلمون في باب الولاء والبراء بنصوص لم يفهموها في الدرر السنية. Donc le cheikh il parle, le cheikh Abdul Latif, il parle de certaines personnes, parce qu'à une époque, la da'wa salafia, il a été éprouvé par, à son époque, par des gens justement de cette catégorie, parmi les ignorants, qui parlent des questions de Al-Wala wal-Bara, et qui mentionnent des textes, mais qui ne les ont pas compris. Comme c'est mentionné dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 1, à la page 468. Il dit وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين بل كفروا من خلط من كاتبهم من مشايخ المسلمين ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور قد بلغنا عنكم نحو هذا نحو من هذا وخذتم في مسائل من باب من هذا الباب كالكلام في الموالات والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاء لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب من رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب أما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهي مذهب فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام وأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة وقالوا حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله. Donc le cheikh il les réfute ici, il réfute cette catégorie de takfiriyin et de d'ignorants qui font le takfir en essayant de se baser sur les questions de al-wala wal-bara, comme ceux qu'on trouve à notre époque parmi les égarés. Il dit wa balaghana anhum takfira a'immat al-muslimin bimuka, donc on nous a transmis de votre part que vous faites le takfir des dirigeants musulmans parce qu'ils ont écrit au roi égyptien et parce que vous avez même fait le takfir de ceux qui ont côtoyé ceux qui leur ont écrit parmi les chouyoukhs des musulmans. Et on demande le refuge d'Allah et la protection d'Allah contre l'égarement après avoir été guidé. Et il dit, et on nous a également transmis de votre part, on nous a transmis à votre sujet ce genre de comportement. Et vous avez pataugé dans des questions à ce sujet, comme le fait par exemple de parler au sujet de prendre les gens pour alliés, al-mu'alat, d'aimer, de prendre pour alliés et de détester, et de se détacher, de se séparer, al-mu'alat, al-mu'adat. Vous avez parlé de ces questions-là, et vous avez parlé des questions en rapport avec les ententes et les communications, le fait de communiquer avec ces gens-là, avec les rois et les dirigeants des autres pays, des choses de ce genre. Et le fait de leur donner de l'argent ou bien de leur donner des cadeaux, toutes ces choses-là sont des choses que dont vous avez parlé. ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات. Donc les cadeaux ou l'argent que vous avez pu donner à des gens qui ont du shirk avec Allah ou bien qui ont des égarements, ou le fait de parler des questions en rapport avec le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé. Et vous avez parlé de ça auprès des bédouins, et d'autres également parmi les gens qui ont de la rudesse ou de la dureté. Sauf que ces questions-là sont des questions que seuls les savants et ceux qui ont une intelligence et une compréhension doivent parler. Hein? Celui qui a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la compréhension, qui a reçu la sagesse et qui a reçu le don de la parole, qui sait comment s'exprimer correctement dans ces questions-là. En ce qui concerne le fait de faire le takfir en se basant sur ces questions-là, c'est-à-dire de faire le takfir sur des questions que vous avez pensées, vous, être des choses qui rendent les gens de l'islam kuffar, ça c'est la voie et le madhab des haruriya, c'est-à-dire les khawarij, hein, ceux qui font le takfir sans preuve, et qui font le takfir des musulmans pour des péchés. Hein. Toutes ces questions-là, ça rentre dans ces choses-là, hein, qui font le takfir des musulmans par rapport à des questions qui sont reliées avec le fait de juger par autre que la loi d'Allah, ou bien le fait de donner des cadeaux aux koufars, ou bien le fait de, par exemple, faire des ententes de paix avec eux. Hein, eux, ils font le takfir en se basant sur ces choses-là. Et le cheikh, il dit, ça c'est des choses, vous pensez, vous, que ce sont des choses qui font sortir de l'islam, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est la voie des haruriya, des gens qui ont quitté l'islam et qui sortent de l'islam. Ceux qui sont sortis contre Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin, et ceux qui étaient avec lui parmi les Sahaba. Donc, ils ont combattu Amir al-Mu'minin Ali, radiallahu anhu, et les Sahaba. Et ils pensaient qu'ils étaient en train de faire un djihad contre les Sahaba. Hein? Et ils pensaient qu'en tuant les Sahaba, ils allaient se rapprocher d'Allah et rentrer au paradis en les tuant. Ça, c'est l'égarement total. Et pourquoi ils les combattaient? Une des raisons, c'est parce que il disait que Ali radiallahu anhu a pris deux juges, a pris un juge qui avait deux personnes qui avaient été choisies pour être comme des arbitres, en fait. Il y avait Abu Musa al-Ash'ari et Amr ibn al-As. Ok, et ces deux-là ont été choisis comme arbitres ou comme juges pour essayer de régler la question, pour stopper la fitna qui s'était produite entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah et les gens de la Syrie à l'époque. Mais les Khawarij ont condamné ça. Ils ont condamné cette tentative de réconciliation et ont condamné le fait de prendre des juges, hein, pour régler cette question-là, des arbitres. Et yani, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était des gens de Koufa et de Al-Basra, ce qu'on appelle Al-Harou. Ils s'étaient réunis dans une région qu'on appelle Haroura, et ils ont accusé Ali radiallahu anhu d'avoir pris des juges dans la religion d'Allah, d'avoir pris des hommes comme juges dans la religion d'Allah, et d'avoir pris pour alliés Muawiyah et Amr, et que pour eux ça c'était du kufr, hein. Et ils ont cité même un verset qui dit « Inil hukmu illa lillah » Le jugement n'appartient qu'à Allah. Donc, ils ramenaient ça comme shubha. Et dans l'histoire de la rencontre entre Abdullah ibn Abbas et les Khawarij, on voit que Abdullah ibn Abbas a réfuté cette shubha et toutes les autres shubuhat qu'ils ont ramenées. Les plus importantes shubuhat qu'ils avaient, Abdullah ibn Abbas les a réfutées complètement. Il a dit, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous ordonne parfois de prendre des juges dans certaines situations, hein, comme par exemple dans le mariage, quand il y a une discorde, et quand il y a des problèmes entre un homme et sa femme, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne de prendre un juge de par leur famille, et un juge de la famille de l'homme, et un juge de la famille de la femme, pour essayer de faire une réconciliation. فَحَكَمَ مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَ مِنْ أَهْلِهَا. Il a dit, n'est-ce pas que ça c'est plus important qu'une dispute entre un homme et sa femme dans un mariage? Donc il a donné des arguments, il a mentionné plein d'autres exemples aussi à ce sujet-là. Donc c'est la preuve que dans certaines choses c'est permis, hein, et que c'est pas kufr de le faire. Donc c'est pour réfuter, c'est parce que c'est des gens qui sont ignorants. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il est revenu avec 2000 parmi les Khawarij qui ont fait Tawbah, qui se sont repentis et qui sont revenus, tandis que les autres sont restés. Hein? Et les Sahaba les ont combattus et les ont exterminés. Ça, c'est la deuxième citation. La troisième citation, c'est la parole de Cheikh Saleh al-Fawzan. Hein? Il dit: وقال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عمن يطعن في العلماء ويفسقهم أو يكفرهم لضعف فيهم في الولاء والبراء. Il dit dans Al-Fatawa al-Shar'iyya, يعني je sais pas si c'est la page 102 ou le numéro 102, il dit قال قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير والجهاد والولاء والبراء أما النميمة والغيبة والوقيعة في أعراض ولاة الأمر والوقيعة في أعراض العلماء فهذه أشد أنواع الغيبة وهذا أمر لا يجوز وأما مسألة الأحداث التي حدثت والتي تحدث وأمثالها فهي من شؤون أهل الحل والعقد وهم الذين يتبحثون فيها ويتشاورون فيها ومن شأن العلماء أن يبينوا حكمها الشرعي وأما عامة الناس والعوام وأما الطلبة المبتدئون ليس هذا من شؤونهم قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Donc Cheikh Al-Fawzan, il a dit à propos de ceux qui attaquent les ulama et les déclarent pécheurs ou les déclarent kuffar à cause d'une faiblesse qu'ils ont dans la question de al-wala wal-bara, il dit dans les fatawa al-shar'iyya numéro 102 ou la page 102, il dit qala ta'ala, donc il cite le verset, dit mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes. Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, ce qui en est apparent et ce qui en est caché, c'est-à-dire les grands péchés, les péchés qui sont laids. Wama ma zahara minha, ce qui est apparent, wama batan, ce qui en est caché, wal ithm, et le péché, wal bari, la transgression, bighayr al-haq, sans que ce soit justifié. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, et que vous associez, que vous donniez à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, des partenaires dans l'adoration, hein, alors qu'il n'a fait descendre à ce sujet-là aucune preuve. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, et que vous disiez à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune science. Il n'est donc pas permis, donc de fait de parler à propos d'Allah sans science. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné après le shirk. C'est pour dire ici qu'il commence par qu'est-ce qui est grave, mais il avance vers, il mentionne de plus en plus grave. Et la dernière chose qu'il mentionne, c'est le fait de parler à propos d'Allah sans science. Et donc de parler dans les questions de religion sans science, ça c'est quelque chose de très très dangereux, très grave. Et c'est pour ça que le cheikh, il mentionne ce verset-là, pour montrer la gravité du fait de parler de la religion d'Allah sans science. Il dit, il n'est pas permis à l'ignorant de parler dans les questions de religion, et en particulier dans les questions qui sont très importantes, très grandes, comme les questions qui ont rapport avec le takfir, les questions qui ont rapport avec le djihad, et les questions qui ont rapport avec al-wala wal-bara. Ça, c'est interdit. Et il dit, en ce qui concerne le fait de faire de la médisance, et de parler dans le dos, et d'attaquer l'honneur des dirigeants, et de parler de l'honneur des ulama, eh bien ça c'est parmi les catégories de médisance et de parler dans le dos qui sont parmi les plus graves et les plus sévères. Et c'est une question, et ça c'est quelque chose qui n'est pas permis. En ce qui concerne la question des événements qui se sont produits, les événements et des choses qui sont arrivées, ces questions-là font partie des choses qui concernent les gens de al-hil wal-aqd, c'est-à-dire des gens dans la société qui ont les responsabilités et qui prennent les décisions, les décideurs dans la société, les gens importants de la société, les dirigeants, les hommes de science, les savants, les spécialistes dans leur domaine. C'est eux qui font les recherches dans ces questions-là et qui se consultent entre eux. Hein? Et ça, donc, ça fait partie du rôle des savants de l'islam, des ulama, de clarifier le verdict de la charia dans ces choses-là. En ce qui concerne le commun d'entre les gens, et les gens du commun parmi les musulmans, et les débutants dans la science de l'islam, ça ne fait pas partie de leurs affaires, ça ne les concerne même pas. Toutes ces choses que les gens appellent aujourd'hui l'actualité, ça ne concerne pas le commun des musulmans, ça concerne les savants, ça concerne les ulama, hein, et les dirigeants. C'est eux que ça concerne. Et les musulmans n'ont pas, hein, le commun des musulmans n'ont pas à rentrer dans ces questions-là et à discuter même ou débattre de ces questions-là. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne le verset 83 dans Surah An-Nisa, il dit, et lorsque leur vient une question ou quelque chose qui a rapport à la sécurité ou la crainte, ils la diffusent. Mais s'ils l'avaient ramené à son messager, s'ils l'avaient ramené au messager et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, eh bien ceux d'entre eux qui peuvent extraire, qui peuvent faire sortir les verdicts, hein, de ces, et des sagesses et les règles de ces questions-là, auraient su quoi faire de ces informations-là. Et si ce n'était de la grâce d'Allah sur vous et de sa miséricorde, vous auriez tous suivi le shaitan, excepté peu d'entre vous. Donc c'est pour dire que les informations qui ont rapport avec la sécurité ou la crainte ou des choses de ce genre, des choses importantes dans la société, ça revient aux hommes de science. Ça revient aux ulama. Parce que c'est eux qui peuvent en tirer, hein, des informations importantes pour être capables de savoir quoi faire avec ces informations-là et comment réagir. Hein, et non pas le commun d'entre les musulmans et les gens du peuple, les gens de la population, les gens de la rue, comme on dit. Hein. « Wasu'ila ma'ali shaykh, Salih ibn Abdelaziz al-Shaykh, عن شخص يجلس مع من يكفرون العلماء الكبار بحجة أنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم ويعلمون هذا لصغر ويعلمون هذا لصغار السن ويربونهم عليه ولا سيما بعد صدور الفتوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار فبين الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على عليه معترض في قسمته للمال بعدم العدل وخرج في عهد عثمان وعلي رضي الله عنه من اتهمهما بالكفر ثم قال فتاوى الأئمة في النوازل الملدهمة لباج 249. أولا الواجب على كل مؤمن بالله جل وعلا ويرجوه ويرجو لقاءه ويخشى لقاءه أن يحذر أتم الحذر أن يقول بلا علم وأن يتجرأ على ما ليس له به حجة سيما في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان والتكفير ومسائل الحلال والحرام وإذا كان في الحلال والحرام قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم هذا فيما يقوله بعض من ليس له حجة بلفظ هذا حلال وهذا حرام وليس عنده بينة وجميع مسائل القول على الله بلا علم في مسائل العمليات والفقهيات ومسائل العقيدة وهي أشد تدخل في هذا السبيل ولهذا حرم الله جل وعلا أن يقفو المرء ما ليس له به علم وأن يقول ما ليس له به علم كما قال جل وعلا. On va expliquer jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'on a dit. On a posé la question au grand cheikh, le cheikh Saleh al-Sheikh, au sujet de la personne qui s'assoit avec les gens qui font le takfir des ulama, des grands ulama, en se basant sur l'argument qu'ils prennent pour alliés et ils aident les mouchtikines. Et ils enseignent ça aux jeunes. Ils les éduquent, ils les élèvent sur ça. Et ça, on retrouve des gens ici, même à Montréal, qui enseignent ça aux jeunes, et qui les éduquent sur ces idées-là, qui font le takfir des ulama et des dirigeants. Et le cheikh, il dit, et en particulier, après que soit sortie la fatwa au sujet de l'interdiction des attentats dans les pays des koufars. Certains d'entre ces takfiriyins, quand ils ont vu les ulama ont interdit les attentats terroristes dans les pays des koufars, ils ont commencé à dire que les ulama prennent pour alliés les koufars et les mouchriquins et faire le takfir des ulama après ça. Donc c'est pour vous montrer l'égarement de ces gens-là. Et donc le cheikh a expliqué et a clarifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y a un égaré, un ignorant qui est venu s'opposer à la façon dont il avait distribué les biens et le butin. Okay, ça c'est Dhul Khuwaysira, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est le premier d'entre ceux qui a qui était parmi le premier d'entre ceux qui ont ramené cette bid'a et cet égarement de s'opposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon comment il a distribué le butin. Et qui a dit au prophète, ô prophète, crains Allah. Il n'a même pas dit au prophète, il a dit ô Muhammad. Il l'appelle par son prénom et sans aucun respect. Sois juste, parce que tu n'as pas été juste. Il l'accuse d'injustice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si je ne suis pas juste, qui donc sera juste autre que moi? Après ça, à l'époque de Uthman, ces gens-là sont sortis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de cet homme, vous allez voir sortir des gens. Et il les a décrits comme étant des gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, qui vont faire beaucoup d'adoration, mais qui vont lire le Coran sans compréhension. Et ces gens-là sont sortis effectivement. À l'époque de Uthman, ils ont assassiné Uthman, radiyallahu anhu. Et à l'époque de Ali, radiyallahu anhu, et ils ont assassiné Ali, radiyallahu anhu. Au nom de l'islam, ils pensaient faire ça au nom du djihad et au nom de l'islam, comme ceux qui sont aujourd'hui en train d'appeler au takfir et appeler au djihad et à faire des attentats au nom de l'islam, ils tuent les musulmans et ils pensent qu'ils sont en train de faire le djihad, et ils font des attentats contre qui? Contre des koufars qui ont des ententes de paix avec les musulmans et ils pensent faire le djihad, et ils sont même pas des, ils n'ont aucune autorité. Ce sont des gens qui se sont donnés eux-mêmes le droit de faire ça. Donc ce sont des gens d'égarement. Comme Bin Laden, Al-Zawahiri, Anwar al-Awlaki. Il y a des gens à Montréal qui vénèrent ces gens-là. Il y a des gens à Montréal qui pensent que Bin Laden c'est un savant. Qui pensent que Al-Zawahiri c'est un savant. Qui pensent que Anwar al-Awlaki c'est un savant. Alors que ce sont des ignorants, des ânes, ils ne connaissent rien. Ce sont des égarés et des shayatins, ce sont des diables, des gens d'égarement et des égarés qui égarent. Donc comment prendre ces gens-là comme référence dans la religion? Et c'est ça qu'ils enseignent maintenant ici à Montréal aux jeunes convertis. Ils sont en train de les éduquer sur ça. Les jeunes convertis, ils les éduquent à suivre ces gens-là, à écouter ces gens-là et à respecter ces gens-là. Et apprendre de tous les hizbiyins, de tous les takfiriyins, de tous les gens de bid'a. C'est ça leur référence. A'oudhou billah. Il y en a un même qui vient me voir, il m'a dit clairement comme ça. Il me dit, moi pour moi, Ben Laden c'est un savant, puis c'est moi je le suis, puis c'est moi. A'oudhou billah. Il n'y a aucun savant qui a dit que déjà ces gens-là n'ont étudié avec aucun savant. Et aucun d'entre les savants n'ont mentionné à leur sujet qu'ils étaient des savants. Et bien au contraire, hein, ils ont été critiqués, et même avant même le 11 septembre, ils ont été critiqués par les ulama. Comme Cheikh Ibn Baz, il l'avait hein, critiqué, il a parlé de lui. Et Cheikh Mouqbil, avant le 11 septembre, il avait déjà parlé contre Osama Ben Laden et beaucoup d'autres également. Hein? Et beaucoup d'autres exemples comme ça. Et après, c'est en, après le 11 septembre, c'est encore pire. Donc, de toute façon, maintenant, alhamdoulilah, ils sont en train tous de se faire tuer un après l'autre. Hein? Parce que c'est le résultat de leurs actions et de leurs égarements. Parce qu'ils ont refusé de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des salaf al-salih. Et ils ont refusé d'écouter et de suivre l'exemple et les paroles et les clarifications des ulama de l'islam au sujet de ces questions-là. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il dit donc les khawarij, il parle des khawarij, il dit que sont sortis contre Uthman, sont sortis contre Ali. Ils ont même assassiné Othman et ils ont assassiné Ali. Et ils les ont accusés tous les deux d'avoir commis du kufr. Puis, il dit, le Cheikh Salih al-Sheikh, dans, la fatwa qu'il a, dans une fatwa qu'il a donnée, il dit, premièrement, l'obligation pour toute personne qui croit en Allah et qui souhaite ou qui espère en sa rencontre et qui craint sa rencontre, il doit faire très très attention de ne pas dire des choses à propos d'Allah sans science et de ne pas s'avancer de façon effrontée dans des choses au sujet desquelles il n'a aucune preuve, et en particulier dans les questions de la croyance, dans les questions de la foi et de la et du takfir et du fait de déclarer quelqu'un mécréant, et dans les questions qui ont rapport avec qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, hein. Donc ça, si c'est dans des questions, par exemple, comme qu'est-ce qui a rapport avec qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Nahl, le verset 116, dans Surat al-Nahl, ne dites pas de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ne dites pas avec vos langues, ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues. Ceci est halal, ceci est haram, ceci est permis, ceci est interdit, pour forger un mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent un mensonge contre Allah ne n'auront pas de succès, ne réussiront pas. Hein? Petite jouissance, ils auront une petite jouissance, mais dans l'au-delà, ils auront un châtiment douloureux. Hein? Donc ça, c'est au sujet de celui qui parle de ce dont il n'a aucune preuve, hein, en disant ceci est halal et ceci est haram, alors qu'il n'a aucune preuve. Hein, et ça rentre également dans toutes les questions au sujet desquelles quelqu'un peut parler alors qu'il n'a pas de science. Il parle à propos d'Allah sans connaissance, dans les questions dans les questions qui ont rapport avec les actions, les questions qui ont rapport avec le fiqh. Les questions qui ont rapport avec la aqidah, et ça c'est encore plus grave, hein, ça rentre dans cette question-là, ça rentre dans cette même voie, hein, et ça fait partie de ce que Allah a interdit, y a que quelqu'un cherche ce dont il n'a aucune science, c'est-à-dire il cherche à rentrer et à parler et à dire des choses au sujet de ce qu'il n'a pas de connaissance, hein, yaqfu wa yaqul. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-A'raf, le verset 33, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, comme on l'a mentionné tout à l'heure dans le verset, et que vous disiez après avoir mentionné le shirk, il dit, et de dire à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune science. Et dans le verset 36, dans Surat al-Isra, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. C'est-à-dire, ne dites pas ou ne cherchez pas ce dont vous n'avez aucune science. Certes, l'ouïe et la vue et le cœur, tout cela seront questionnés. Donc, on sera questionné pour ce qu'on dit. On sera questionné pour ce qu'on entend et ce qu'on a vu. Et on n'a pas le droit de parler ou de dire qu'est-ce qu'on n'a pas de connaissance, hein, ce, dont, ce au sujet de quoi on n'a pas de connaissance. Le cheikh il explique, il dit le takfir, ça signifie, le cheikh il dit le takfir ma'nahu al-hukm bil-khuruj min ad-din wal-hukm bil-ridda wal-hukm bil-ridda ala muslimin thabata islamu la yajuzu illa bidalil shar'i yaqini بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة في ذكر المنافقين وكفروا بعد إسلامهم وفي آية أخرى قد كفرتم بعد إيمانكم وفي آية سورة آل عمران قال الله جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ونحو ذلك في أن المؤمن أو من أسلم أو من آمن قد يخرج من الدين ولكن ضبطها أهل السنة والجماعة بضوابط كثيرة معلومة ثم إن أهل السنة يفرقون بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنه كفر وقيام هذا العمل بمكلف هل هو يخرج من الدين أم لا لأن المكلف قد يكون جاهلا ببعض المسائل قد يكون متأولا قد يكون لم تبلغه الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة وقد يكون معذورا وقد لا يكون وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع فأهل السنة وسط في هذا الباب بين الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله وبمطلق الموالاة للكفار ونحو ذلك وأشباهه وما بين المرجئة الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد. Donc, Cheikh il continue en disant que le takfir, ça signifie de faire un jugement que quelqu'un est sorti de la religion et de juger de son apostasie et de juger de l'apostasie d'un musulman dont l'islam a été établi de façon certaine. Ce n'est pas permis excepté avec une preuve de la charia qui est certaine, hein, qui est équivalente à la certitude de son entrée dans l'islam et de son entrée dans la foi. Et à la base de ça, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans surat Bara'a en mentionnant les munafiqis. Il dit wa kafaru ba'da islamihim, verset 74 dans surat Tawbah, et ils ont mécru après leur islam. Et dans une autre verset wa kafartum qad kafartum ba'da imanikum, dans un autre verset, le verset 66 dans surat Tawbah, et vous avez mécru après avoir eu la foi. Et dans le verset de sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna alladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra, ceux qui ont mécru après avoir eu la foi puis ont augmenté en mécréance. Wa nahwa dhalik, donc des choses semblables peuvent se produire de la part d'un musulman, c'est-à-dire peuvent se produire le fait qu'un musulman ou quelqu'un qui s'est converti, c'est possible qu'il quitte l'islam, qu'il quitte la religion. Mais ça, c'est établi et c'est relié à des règles et à des principes que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a ont clarifiés. Et ce sont des règles qui sont nombreuses et qui sont connues. Puis en même temps, les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a font une distinction entre le fait de parler de l'action elle-même, de la parole, comme par exemple le fait de dire telle parole c'est une parole de kufr, ou de dire telle action c'est une action de kufr, hein, ça c'est une chose. Puis ensuite la personne qui a fait cette action là par la suite, est-ce que elles sont de la religion ou non, ça c'est deux questions différentes, complètement différentes. Ça veut dire que on peut s'entendre sur le fait que une parole en question, telle parole c'est kufr ou telle action c'est kufr. Mais de là à prendre ce verdict-là à propos de l'action et à propos de la parole et de l'appliquer sur l'individu lui-même, un individu spécifique et particulier, ça nécessite des preuves, et ça nécessite des règles et des principes. C'est pas automatique que quelqu'un fait ou dit quelque chose qui est kufr, alors automatiquement, ah, il est kafir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le cheikh dit, parce que quelqu'un pourrait dire quelque chose qui est kufr ou faire quelque chose qui est kufr ou shirk, hein, et yani, il est ignorant de certaines règles, de certaines questions. Ou bien parfois il a mal compris quelque chose. Il a compris quelque chose mais incorrectement. Ou bien que la preuve ne lui est pas parvenue. La preuve par laquelle on dira que la preuve a été établie contre lui. Eh bien, il n'a pas reçu cette preuve, elle ne lui est pas parvenue. Donc, c'est possible qu'il soit excusé à cause de ça. C'est possible qu'il soit excusé, c'est possible qu'il ne soit pas excusé. Donc, ça, c'est des exemples qui montrent que il faut établir certaines conditions doivent être présentes et certains empêchements doivent être éliminés avant de pouvoir juger qu'un individu spécifique ou qu'une personne en particulier est effectivement sorti de l'islam. C'est pas aussi simple que les Khawarij le prétendent ou le pensent. Donc le Cheikh il dit, Ahl Sunna, les gens de la Sunna sont des gens qui sont dans le juste milieu dans les questions qui ont rapport au takfir et à ces questions, aux questions qui ont rapport avec le takfir et le kufr et des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit, les gens de la Sunna sont au juste milieu entre les Khawarij et les Murji'a dans ces questions-là. Les Khawarij qui font sortir de l'islam tout musulman qui commet un péché ou tout musulman qui juge de façon générale par autre que la loi d'Allah, hein, sans rentrer dans les détails et les catégories, donc, eux non. Depuis que quelqu'un juge par autre que la loi d'Allah, ça y est, c'est un kafir. Sans expliquer les différentes catégories, les différentes situations, les différents cas, les différentes personnes, non, ça c'est pas important pour eux. Depuis que tu commets un grand péché ou tu juges par autre que la loi d'Allah de façon générale, kafir. Hein? Ou bien ils font le takfir également juste parce qu'ils disent, ah lui il a pris un tel comme allié parmi les koufars. Donc ça veut dire qu'il est kafir. Et de façon générale, sans expliquer les différentes catégories et les différents cas. Hein? Il y a des cas qui ne sont pas koufs majeurs, que c'est des koufs mineurs. Et parfois c'est des péchés seulement. Donc tu vas juger ça de façon générale, tu prends ça de façon générale et tu distingues pas entre les catégories, tu tombes dans l'extrémisme. Donc ça c'est un extrême, puis il y a l'autre extrême, c'est l'extrême des Murji'a qui considère que du moment que quelqu'un est rentré dans la foi, il ne peut plus en sortir. Peu importe la parole ou peu importe l'action ou la croyance qu'il a par la suite. Et ça c'est l'autre extrême. Hein? Je pense que la foi, elle diminue jamais, elle baisse pas. Elle est stable et constante. Et pareil pour tout le monde. Tout ça, c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là. Donc ça, c'est ce qui vient clarifier le danger de rentrer dans la question de Al-Wala ou Al-Bara et d'en parler sans connaissance. La deuxième introduction à ce sujet-là, c'est, ça s'intitule junud li harb ad-da'wah as-salafiyya, c'est-à-dire des nouvelles armées pour combattre la da'wah as-salafiyya, des armées nouvelles pour combattre la da'wah as-salafiyya. Cheikh il dit, et ça c'est bien parce que ça nous met dans le contexte, ça nous explique vraiment bien comme il faut qu'est-ce qui se passe. لما ظهر الخلل في فهم بعض شباب هذه البلاد في باب الولاء والبراء وعدم معرفة منهج أهل السنة فيه فوقعوا بسببه في التكفير والتفجير قام بعض المناوئين للدعوة بنسبة هذا التكفير الذي هو على منهج الخوارج لأئمة الدعوة ومصنفاتهم لقد كان العداء الديني للدعوة السلفية فيما مضى ينبع من خارج البلاد والتاريخ يحكي كم من الكتب ألفها أهل البدع والضلال لتشويه هذه الدعوة التجديدية الصافية التي أخرج الله بها فئاما من الناس من ظلمات الشرك والبدع والضلالات إلى نور التوحيد والسنة والهدى مع ضراوة هذا العداء وكثرة الأعداء بقيت هذه الدعوة بدولتها متجددة شامخة قائمة جامعة بين صفاء المنهج وقوة الجانب حتى دخلنا في هذه المرحلة الحرجة التي جند فيها أعداء هذه البلاد ودعوتها بعض أبناء هذه البلاد المتدينين من يقوم بهذا الدور عنهم خير القيام فاستغلوا وقتا حرجا مر به أهل هذه البلاد من حكام وعلماء بعد أحداث ضرب أبراج تجارية في أمريكا فتكالب أعداء الخارج من النصارى مع أعداء الداخل من الصوفية والرافضة والليبراليين للطعن في أهم ما قامت عليه هذه البلاد بل هو سر بقائها هذه السنين المديدة ألا وهو منهجها وعقيدتها. Donc on va traduire cette partie, le cheikh explique que on a vu que lorsqu'est arrivée certaines défaillances dans la compréhension de certains jeunes, de ce pays, dans la question de Al-Wala ou Al-Bara, et du fait qu'ils n'ont pas connu à ce sujet-là la méthodologie de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, ils sont tombés dans le takfir, ils sont tombés dans le terrorisme, dans les attentats terroristes aussi. Et certains ennemis et certains opposants de la da'wa ont essayé d'attribuer ces attentats et ce takfir sur lequel ces gens-là sont, qui est le manhaj des khawarij, aux imams de la da'wa salafia et à leurs écrits. Donc ils ont essayé d'attribuer le manhaj des khawarij que ces jeunes ont adopté, qui n'a rien à voir avec l'islam, qui n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna, qui n'a rien à voir avec le manhaj des salaf, qui n'a rien à voir avec la voie et la méthodologie des ulama et des imams de la da'wa salafia en Arabie Saoudite. Ils ont essayé de l'attribuer, cette voie des khawarij, aux imams de la da'wa salafia et à leurs écrits et à leurs livres. Et le cheikh explique qu'auparavant, l'opposition et l'animosité religieuse vis-à-vis de la da'wa salafia dans le passé, elle prenait source à l'extérieur des pays de l'Arabie Saoudite. Elle venait de l'extérieur. Hein? Et l'histoire mentionne et rapporte également qu'il y a eu de nombreux livres écrits par les jeunes bid'ah et des garments qui ont essayé de salir la réputation et l'image de cette da'wa de réforme qui est pure, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir nombreuses personnes des ténèbres, du shirk et des innovations et de l'égarement vers la lumière du tawhid, de la sunna et de la guidance. Donc, et malgré cette attitude donc, d'animosité de la part des ennemis et des gens qui opposent cette da'wa est restée toujours ferme et bien ancrée et bien solide. Hein? Cette da'wa de réforme est restée ferme et établie. Hein? Et elle a réuni la pureté dans sa méthodologie et la force en même temps. Jusqu'à ce que on rentre dans cette étape, dans la période actuelle, qui est une période harija, c'est-à-dire une période un peu ennuyante, embêtante, sur certains points de vue, hein, gênante. Parce qu'il dit, on est rentré dans cette période qui est une période gênante. Et on a vu que des gens de l'intérieur du pays ont été pris dans les armées des ennemis, hein, pour attaquer cette da'wa dans ce pays. Parmi les gens religieux, hein, Et puis c'est comme s'ils ont pris la relève de ses ennemis à l'extérieur pour combattre à l'intérieur. Et donc ils ont utilisé cette période qui est une période gênante, comme on l'a dit, la période gênante dans laquelle les gens de ce pays sont, la période gênante dans laquelle les gens de ce pays sont, parmi les dirigeants, parmi les ulama, depuis le 11 septembre, lorsqu'on a frappé les tours jumelles aux États-Unis, en Amérique, eh bien, tous les ennemis de l'extérieur se sont mis tous ensemble et se sont réunis avec les ennemis de l'intérieur, hein, parmi les chrétiens et les juifs à l'extérieur, et les ennemis de l'intérieur, parmi les soufis qui sont en Arabie Saoudite, et parmi les rafidans qui sont en Arabie Saoudite, et parmi les ce qu'on appelle al-liberaliyin, c'est-à-dire les gens qui appellent en fait à toutes les idées libérales. En Arabie Saoudite, il y a cette catégorie-là, ceux qui ont comme idéologie la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, hein, tout ce qui est, hein, toutes des éléments qui sont des éléments occidentaux, eux, ils se réfèrent à ces valeurs-là, parmi les gens de l'Arabie Saoudite. Et c'est des gens qui, donc, de l'intérieur, essaient d'attaquer, de combattre cette da'wah. Et donc, ils se sont tous réunis ensemble pour essayer de combattre et d'attaquer ce sur quoi ce pays-là est établi. Et ce qui est pour attaquer ce qui est le secret de sa stabilité à travers toutes ces années, c'est-à-dire sa méthodologie et sa aqida. Donc ils se sont, maintenant ils se sont acharnés et ils ont attaqué cette base-là. Sous prétexte que c'était cette base-là qui a eu comme résultat, ou qui a été la cause de l'apparition des formes d'extrémisme et d'égarement dans laquelle sont tombés les Khawarij, qui ont appelé aux attentats terroristes et qui ont fait le takfir. Alors que ça n'a aucun rapport. Hein? Ce n'est pas la aqidah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a amené ces gens-là à tomber dans la voie des Khawarij. Parce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même a combattu les Khawarij et leurs idéologies, et leurs croyances, et leurs leur méthodologies. Il les a combattus dans ses écrits. Hein? Il n'a jamais supporté les Khawarij et les Takfiriyin, jamais. Bien au contraire. Et quand on le lit dans ses lettres et dans ses livres, on voit qu'il réfute les Khawarij et les Takfiriyin et leurs fondements. On a juste à lire, par exemple, Usul Sitta. Hein? Usul Sitta, dans les premiers fondements, les trois premiers, il explique. Hein? Le premier, c'est sur Al-Ikhlas. Deuxième, c'est sur justement le fait de rester unis. Le troisième, c'est sur l'obéissance aux dirigeants. Donc, comment quelqu'un par la suite va dire que ça, c'est le manhaj des Khawarij? En plus, le cheikh réfute hein, ceux qui appellent à déclarer kafir un musulman pour un péché qu'il a commis. Hein, il dit que ça, c'est la voie des Khawarij. Donc, ça n'a rien. Et ses étudiants et ceux qui l'ont suivi par la suite, génération après génération, ils ont tous réfuté les Khawarij aussi. Donc le Cheikh dit وَهَاُلَا الْجُنُودِ الْجُدُودِ لَيْسُ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهُمُ الْعَدُوُ الْحَاقِدِ عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَشْكُوكِ فِي بَاطِنِيَتِهِ وَمِنْهُمُ الْأَهْوَجِ الْجَاهِلِ الَّذِي لَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي ومنهم طالب العلم الذي حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية ولكن نازعه عرق الحزبية والانتصار للجماعة الحركية التي تأثر بها فهو يحاول دفع تحليلها نتيجة هذه الأعمال ولو كان ذلك بالطعن في الدعوة التجديدية وعلمائها وهؤلاء يركزون على كتب أئمة الدعوة بأنها سبب لهذا التكفير والتفجير الواقع في بلادنا فيقال لهؤلاء الحاقدين أو الجهلاء قل موتوا بغيظكم إنكم لن تكونوا أشد حربا لهذه الدعوة من جحافل الحقد والكذب والتلبيس حين ظهور هذه الدعوة المباركة مع ذلك فقد ذهب زبدهم وجفاء وهباء منثورا أدراج الرياح أمام قوة الحق ودمغه لهذا الباطل إنكم لن تكونوا أشد منهم ولا أشد منهم حجة ومكرا ولقد كان الواجب عليكم أن تعرفوا لأئمة الدعوة قدرهم وسباقتهم في تجديد التوحيد وإحياء السنن وإماتة البدع ولا أن تكونوا عونا لأعداء الدعوة من الصليبيين والليبراليين والصوفيين والرافضة لأنه إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل. Donc on va lire cette partie maintenant. Le Cheikh il dit que parmi ceux qui se sont ralliés aux ennemis de cette da'wa parmi les nouvelles armées, ils ne sont pas tous au même niveau ou au même degré. Parmi eux, il y a l'ennemi qui a la haine et la la rage contre la da'wa béni, la da'wa salafia, et on doute qu'il fasse partie des gens des sectes batiniya, des gens de batiniya. C'est-à-dire des gens qui font partie des gens qui cachent la réalité de leur croyance. Hein? Ils font partie des sectes ésotériques. Parmi eux, il y en a d'autres qui sont des purs ignorants. Il ne sait pas la vérité et il ne sait même pas qu'il ne sait pas. Et il y en a une autre catégorie qui sont des étudiants en sciences, des gens qui ont étudié la charia, qui ont reçu un doctorat en sciences de la charia. Toutefois, ils ont parfois une certaine appartenance ou un lien avec les groupes de Hizbiyya. Les groupes de Hizbiyya comme les Ikhwan et les autres groupes de Hizbiyya. Et ils cherchent à les défendre. Hein, ils cherchent à défendre ces groupes de Hizbiyya, hein, parce qu'ils ont été influencés par ces groupes-là, et ils veulent repousser les résultats d'éloigner ou de repousser le résultat des actes qui ont été faits de leur groupe, pour innocenter leur groupe, même si ils vont passer par c'est-à-dire ils essaient d'innocenter leur groupe des actions qui ont été posées et du résultat de ces actions-là, même si pour le faire ils doivent attaquer la da'wa de réforme, la da'wa salafia qui a eu en Arabie Saoudite et les ulama de cette da'wa. Donc ils essaient d'innocenter son groupe et ils essaient de jeter le tort et le blâme sur la da'wa salafia de l'Arabie Saoudite et sur ses ulama. Hein? Donc ils cherchent, hein, comme on dit, ils cherchent un bouc émissaire pour mettre le blâme sur ce bouc émissaire pour éloigner son groupe du blâme, alors que c'est son groupe qui est responsable et qui fait partie des gens qui ont été à la base de ces problèmes. Les cheikhs disent ouais, et ceux-là ils se basent sur les livres des imams de la da'wa. Et ils prétendent que ce sont ces livres-là qui ont été à la cause du takfir et des attentats terroristes qui se sont produits dans nos pays. Et il dit, et la réalité, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire, c'est tout à fait faux. Et on dit à ces gens-là qui ont cette rage ou cette ignorance en eux, mourez de votre rage. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit, mourez de votre rage. Qul mutu bi ghayzikum. Parce que vous ne pouvez pas être plus. Hein? Vous ne pouvez pas être plus vieux dans cette guerre que vous faites à la da'wa salafia que les premiers qui sont venus opposer cette da'wa-là à l'époque où cette da'wa est apparue, dans la haine qu'ils avaient et le mensonge qu'ils faisaient et la confusion qu'ils essayaient de jeter sur les gens pour les mélanger et les éloigner de la da'wa. Hein? Et malgré tout ce qu'ils avaient comme ruse et comme mensonge et comme confusion, ils n'ont pas été capables de s'opposer ou de s'opposer et de stopper cette da'wa, et au contraire, hein, tous leurs efforts ont été réduits en poussière, éparpillés par le vent, hein, et ils n'ont pas pu tenir tête à la force de la vérité et à la destruction de toutes les faussetés qu'ils ont ramenées. Hein? Donc, vous, vous n'êtes pas plus fort qu'eux, et vous n'êtes pas plus grand qu'eux en, en preuve et en ruse. Hein? Et il aurait, il dit, et il était, il aurait été obligatoire pour vous plutôt de reconnaître aux imams de cette da'wah leur, leur, le niveau qui leur revient. Le fait qu'ils vous ont précédé et qu'ils ont précédé dans la réforme du tawhid et dans le fait de faire revivre les sunan et de faire mourir les innovations. Hein? Donc pourquoi vous n'avez pas été des aides pour ces imams et pourquoi vous avez décidé d'être des aides pour les ennemis de la da'wah parmi les chrétiens, parmi les juifs, parmi les libéralistes, parmi les soufis, parmi les rafidats. Hein? Parce que personne ne peut reconnaître le mérite de celui qui a le mérite, excepté celui-même, celui-là même qui fait partie des méritants et de ceux qui ont le mérite. Hein? Celui qui est un homme de mérite, il reconnaît le mérite à qui il revient. Mais celui qui n'a pas de mérite, hein, il n'est pas capable de reconnaître ce mérite-là. Là, ensuite de ça, il commence à citer une parole de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di au sujet justement des ulama du Najd. Et il mentionne, quelle est, la question c'est, quel est notre devoir, hein, quel est notre, notre devoir et quelle est notre obligation envers les ulama du Najd. Ça c'est la question et le Cheikh al-Sa'di il répond à cette question-là dans son livre Majmou' al-Fawaid wa Ikhtinas al-Awabid, le point 111. On va s'arrêter ici, nous, pour aujourd'hui, parce que le temps est arrivé pour nous de s'arrêter. On a fait le temps prévu pour le cours. Mais on continuera l'explication de, ce, de cela, Inch'Allah, dans le prochain cours, bi'ithnillah. Et vous allez voir que, Inch'Allah, vous allez voir que le livre a été très bien écrit et qu'il est très clair dans, sa, dans ses explications et qu'il y a des clarifications très importantes pour tout musulman qui veut bien comprendre ce sujet-là. Mais là, c'est une petite introduction qu'on fait. Hein? On y va petit à petit. Donc, on se revoit, Inch'Allah, demain pour le début de l'étude du livre Kashf al-Shubuhat avec le sharh du Cheikh Bin Baz et aussi parfois avec des références au sharh du Cheikh Mohammed al-Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.